des palais dans mes dépavons, pas d'espaventao, d'espamentao. Ma pao es paciente, des patientes y es d'or. Animal es espamile, les pas ma budi, l'espéré y es espoir. Sans espérer, rire même dit ma teste. Nous soulèves sur les pyramides, sous les ringues et tu perds mon amide. Eres paleste, tu mon amigo. Nous tout m'attrape, tout nous mon patiente va venir ou calamer. Tu nous laisses à combattre ma langue poulie de disparaître, c'est à la main. Mon arc est vengu tigré, qui la reine voit les viules. Mon arc est vengu libre, au lieu de palailler d'hommes et de pavons, pas de ses pavents en sentimental. Valide espace à l'humain, ouais c'est pas vous, pareil c'est pas un temps, c'est au tourmentau.